Dimanche 21h, Radioactive, Lost in Space, comme tous les dimanches. Et aujourd'hui, on change. Ces dernières semaines, vous avez remarqué qu'on était parti sur des bases extrêmement expérimentales, avant-gardistes, ambiantes. Et là, changement radical de style, j'ai décidé, pour de très bonnes raisons, de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire au rock'n'roll. Et donc ça va être une émission qui va être essentiellement consacrée au rock'n'roll, mais plutôt rock'n'roll années 70, au rock'n'roll classique, pas le rock'n'roll des tout débuts d'Elvis Presley, hein, mais ce qu'on appelle le rock. Et on va commencer tout simplement avec deux groupes fondateurs pour ma culture musicale, le groupe de la fin des années 60, début des années 70. Donc à tout seigneur, tout honneur, on commence cette émission par Iggy Pop and the Stooges et le MC5. C'est parti pour 2 heures, enjoy. Another day. No fun for my babe. No fun. No fun for my babe. No fun. No fun to be alone. Walking by my. Nobody else. Well, maybe go out, or maybe stay at home, or maybe call mom on the telephone. Well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on. Come on, for no fun for to be alone, for no fun for to be alone, for hang on, for don't you let me go, for no fun. Be alone. No fun. When I say come on Ryan, I say come on Ryan, I say come on Ryan, let me, I say come on Ryan, let me tell him, let me tell him why, tell him why, tell him why, tell him why, tell him why, tell him why, tell him why I feel. I say come on, let me tell him, tell him how I feel. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Enfin, les conditions d'allocation familiale seront conditionnées aux ressources. Ainsi donc, on fera en sorte très rapidement pour que le plafond soit le plus petit possible, pour empêcher les couples d'avoir la liberté de choix quant au nombre d'enfants. Do you know these times? Beatles Bob Story à l'instant avec un morceau qui était d'actualité l'année dernière, Riot in Toulouse, qu'on aurait pu appeler Émeute à Toulouse, référence à l'époque, c'était pas du tout une référence à Mohamed Merah, mais ça a pu se transformer après. Et on continue avec Buffalo Springfield. The noted mathematician José de Acunas is doing research into coin tosses. He told me that we all might be surprised by his findings. He asked me if I could do a coin toss on my show to help him in his research. And I said, sure. So here we go. Heads, I play Blackbird by the Beatles. Tails, I play Bluebird by the Buffalo Springfield. And it's Buffalo Springfield. There you go, Percy. Always glad to help. Listen to my bluebird laugh. She can't tell you why. Deep within her heart, you see, she knows all I cry. Just lying. Yeah. There she sits, a lofty perch. Strangest color blue, lying is forgotten now. Things only of you, just you. Oh. So get all those blues, must be a thousand years, and each is differently used. You just know, you sit there mesmerized. That was Bluebeard by the Buffalo Springfield. Quand j'étais petit, j'allais jouer dehors. Maintenant, je vois de plus en plus d'enfants, ils ont 13 ans, et c'est des gras du bide. Parce que... Non, mais sérieux, parce que moi, je faisais du sport. Maintenant, ils font quoi? Ils jouent à la PlayStation, ils font Internet. C'est tout. À l'instant et Jacobites maintenant. send my love to the girl in the big store. I'm sure she knows, I'm sure she knows. l'élaboration pastiche de sa mythologie à figure falsificatrice, vicier la propension à l'arrêt, accélérer la visée, perpétuer l'avancée sur les terres insensibles de la privation sensorielle, rassembler l'extrémité des feuilles inertes à souffle déplacement, catalyser la respiration d'une avance interstitielle, s'arracher d'orvie à blanc film. Éliante Cyane, mordorescence in the night, elle Cyane, échouée en roc solaire d'Éliante, irradiait le golfe de leur intime palais d'eau, ceint par de grands bras de sang. Effroi, binaire, mort en île, s'annonçait chose froide, lustrée d'épines, douce en séduisance d'ice, frustre mesure d'assainissement de l'être. Effroi binaire, elle qu'à la surface des encres sanitiennes, vint rompre l'ombre fibulienne et blanche d'elle. Propagation d'une triple onde ink. Thank you. Nicky Sudden et David Van Der Velde. qui justement, selon moi, lorsque cette vivacité comme ça est présente au moment de la captation, au moment du tournage sonore, elle pourra ressortir au travers de l'image sonore, elle pourra se manifester à nouveau, différemment évidemment, au travers de l'image sonore, au travers du haut-parleur. C'est très très important. Catfish Heaven avec Please Come Back, et on enchaîne avec The Impossible Shapes et leur morceau A. Thank you. half minutes to the big green thing. You're a loony. Oh, I get so bored. I get so bloody bored. This way, please. Righto, I'm coming. Yes, sir. This way, eh? Oh, bloody hell, where are the lights? What's this? Oh, damn, where are they? Here, how does this turn off? Oh, it won't stop. Where are the lights? Oh, here they are. Oh, this is tune called Sweet Nothing. Baby, Des vieilles gloires encore, le Sonic Rendezvous Band, c'est-à-dire le groupe du mari de Patti Smith, de Fred Smith, qui vous chantait Sweet Nothing. Et on enchaîne maintenant avec une sucrerie des Rolling Stones, un morceau qui a fait beaucoup, enfin qui est beaucoup passé sur les ondes des années 70, le fameux Fool to Cry. Well, now come on, baby. I've been working all night long. A dollar on my knee. What you say? Make love. So I put my head on her shoulder and she said, tell me all you do. You know what she said to me? She said, thank you. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Love is the law, love under will. Roxy Music, groupe majeur de la fin des années 70, qui va être d'ailleurs une des principales influences du mouvement punk et new wave. Donc on écoutait à l'instant avec Editions of You et on continue. Après avoir écouté Marie tout à l'heure, on va écouter la femme nettement plus connue, Patti Smith, avec peut-être l'un de ses morceaux les plus connus, le deuxième plus connu, on écoutera tout à l'heure. Pour l'instant, c'est Hey Joe. Jala Kiss, Mr. Death. I'll a kiss, Oscar Wilde, Ja lives, Mr. Thorpe, the time is now, the time is now. The boy looked at Johnny, Johnny wanted to run, Johnny wanted to move, but the movie kept moving as planned. The boy gripped Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared, Johnny fell on his knees, started crushing his head against a locker. Started it, crushing his head against a locker. Started it. Shoot my lady, that I rush around with some other performance from 1976, a couple of years before the big success with Because the Night. That was music from Patti Smith. Well, that's one of the most fascinating things about this whole topic, to me at least, is that there's such a vast amount of source works, and most of them are untapped. So a lot of I have a lot of microfilms, for instance, and Dolls, maintenant fameux groupe new-yorkais, un de mes groupes préférés d'époque, début des années 70, managé, il faut le savoir, par Malcolm McLaren, qui deviendra ensuite le fameux manager des Sex Pistols. Donc les New York Dolls qui nous ont chanté Personality Crisis. Et on enchaîne avec une autre personne marquante de la fin des années 60, début 70, Kim Foley, dont j'aurai l'occasion de vous reparler plus tard. Yeah, as I've been Somebody's been setting fire in my neighborhood. An old car has been... Somebody tell me, where's that shutterbug? And who's been setting the fire? Wildfire. It's wildfire. The fire inspector came up into the street and he said to me, he said real quick, he said, how do you know? He said, how do you know? How do you know? How do you know? How do you know? How do you know? How do you know? How do you know? How do you know? How? Yeah. I asked him. I said, how do you know? I said, how do you know? Really, how do you know? How do you know? And I said to the fire chief, I said, what bothers you about everything? I said, what bothers you about everything? I said, what bothers you about everything? A little bit louder, please. A little bit faster, please. A little faster. A little louder. Yeah. La la la. So, you say that reality. Oh, yeah, I say you say reality. Somebody open up the lampshade. Somebody get up off their chair. Somebody tell me what bothers you about reality. Everything. What bothers you about everything? Reality, yeah. Yeah. Yeah, I'm not crazy. I'm just going to sleep right now. It's quiet. I will go to sleep. I won't go to sleep. I won't go to sleep. I won't go to sleep. Help me go to sleep. Help me go to sleep. Help me go to sleep. Help me go to sleep. Yes, I've been doing Match Tint Landscapes for quite a long time. nouveau Nikki Sudden avec Fall Any Further, et on enchaîne ensuite avec un excellent groupe français que tout le monde a oublié. Ça s'appelle les Blessed Virgin, qui vont chanter Écoute Cochrane. Et il faut savoir que les Blessed Virgin venaient de la banlieue parisienne, de Cergy Pontoise exactement. Ils ont fait un album et un live. Une apparition dans un film assez mauvais d'ailleurs, avec Gérard Lanvin et sa compagne de l'époque. Mais je vous laisse écouter. C'était un grand groupe qui aurait mérité une bien meilleure carrière, les Blessed Virgins. Écoute Cochrane. Si un jour t'as cafaré que tu ne sais plus où te mettre, au lieu de faire comme certains de te jeter par la fenêtre, tu prends ton tour de vis, tu mets du rock'n'roll, tu dis que perdre de lait ou ta bouteille d'alcool. Et pour ta copine ne sois pas trop jalouse, tu t'éclates avec elle sur le summertime blues. Si là-bas, sans scène, on va si c'est trop dégueulasse, de te battre avec tes pattes à coups de barrasse. Tu fourches tes disquaires, tu vas vers la platine, tu tournes les lames et trompes bras autour des blazers jeans. Hey! Si tu mettais un lâche, je remets de bord de loup, si tes murs vont vibrer sur le summertime blue. Ma femme, finira tout seul, le monde en Autre groupe français aussi excellent, OTH, ne sont pas des Parisiens, étaient des gens de Montpellier, donc plus du sud, qu'on écoute ici avec deux morceaux, Euthanasie pour les rockers et Requiem. Et on enchaîne avec des anciens des années 70 qui ont vraisemblablement aussi influencé OTH, c'est Molly Hatchet. Nurses all got around. They gazed in a white wonder at the joy they had found. Head nurse spoke up to leave this one alone. She could tell right away that was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Thousand hearts before I met you. Break a thousand more now, baby, before I'm through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. To the make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna tell you, pretty baby, what I see I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. I'm bad to the bone. I'm bad to the bone. Thank you. Mr. T avec Someday et pour la suite, les Rolling Stones avec Sad Day. Someone woke me up this morning and I lit a cigarette. Found myself and I stopped yawning. Started getting myself dressed. Then I thought that I had a dream. I remembered the things that I'd seen. Television, un des groupes les plus marquants de la fin des années 70, avec ce morceau « See No Evil ». Television, influence de majeure de nombreux groupes. Et chose promise, chose due, voici le deuxième morceau le plus connu, interprété par Patti Smith. C'est la fameuse reprise de « Gloria ». Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Thank you. Now let's fantasize that we're the moon. Drag out your chains, let's all be Citizen Kane, and go dance on the edge of disaster. Your savior is sent, and the price of cement will keep you out of discos in China. Your animal eyes will help you survive. You're a talent for inventing disaster. So drag out your bowl. Excellent groupe australien qui a commencé en fait pendant la vague punk et qui s'appelle The Saints, qu'on a écouté ici avec The Temple of the Lord et que l'on aura l'occasion de réécouter quand on s'intéressera à nouveau à la musique punk. Et pour finir cette émission et vous dire à très bientôt, à la semaine prochaine, on va écouter un autre membre de... tout simplement un membre de Roxy Music, après avoir écouté Roxy Music tout à l'heure. Peut-être un de ses membres le plus influent, pas peut-être, mais sûrement. Brian Eno, qui va inventer après la musique ambiante et faire plein de choses. On l'écoute ici pour finir cette émission quand il fait encore du rock'n'roll, c'est-à-dire un morceau qui s'appelle The True Will. Et voilà, ce qui nous amènera donc à la fin de cette émission. Il ne me restera plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, enfin un bon début de semaine, de vous dire rendez-vous et de vous donner rendez-vous demain avec les Écopop à 19h30 et de nous retrouver à nouveau pour Lost in Space la semaine prochaine avec Cette fois-ci, plus du rock'n'roll. On fera peut-être un peu concurrence à l'émission excellente Soleil Noir du samedi soir à 21h. Dire que vous aurez droit à une spéciale Cold Wave. En attendant, bonne semaine. Éclatez-vous avec le reste des émissions. Et on se quitte avec Brian Eno. Ciao. chef from Bristol. Jean-Michel Bézina. Bonjour, paysan.